à l'espace arc-en-ciel au 266 Faubourg Bannier, Arc-le-Gris-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Comment ça va? Eh ben ça va super, et toi comment tu vas? Ça va très bien, et vous allez bien? Bah on espère, en tout cas, qu'ils vont bien, même si bon, le temps ne va pas forcément peut-être avec l'humeur. Mais... Alors, on dit mariage plus vieux, mariage heureux, on peut dire temps plus vieux, bonheur... On veut, oui, c'est vrai. Après, ceci dit, on peut quand même passer une super bonne journée pendant qu'il pleut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la pluie, entendre la pluie couler sur les carreaux, taper un peu sur le toit. Ça peut apaiser certaines personnes. Hein. Alors moi, quand j'avais entendu jeudi matin avant de me lever, j'ai fait non, ça ne va pas détendre du tout parce que je savais que je devais aller affronter la pluie. Ah oui, c'est vrai qu'être tout mouillé, avoir les vêtements collés... C'est pas agréable, hein. Franchement. Ça, je peux te le dire. Hein. Ceux qui aiment la pluie, ça, je ne vous comprends pas pour ça, certainement. Et j'espère que demain, on va l'affronter calmement la pluie, parce que sinon. Oui, bon, on va peut-être demander au temps de se calmer un petit peu. Hein, ouais, mais... Juste quelques heures. Oui, voilà. En tout cas, on se retrouve dans une matinée pour essayer d'ensoleiller la maison et pas le dehors, parce qu'avec la musique, peut-être on pourrait faire apparaître le soleil. Oui, peut-être. Hein. Bon, pas grâce à Philippa et son qualité de chant, mais... Eh, c'est faux, hein. Je chante très bien, hein, pas vrai. C'est une vraie question ? Ah ouais. Non, bon, j'admets que je suis pas très fort, donc si vous voulez pas des orages en plus de la pluie, on va éviter. Ta maman doit le confirmer, ça. Mais non, ma mère, elle dirait que je chante trop bien et que je devrais continuer. Pour l'avoir vu ta mère, elle m'a jamais dit ça. Oui, c'est vrai. Bon, j'admets. Aujourd'hui, on se retrouve dans une émission assez... on revient, il n'y a pas d'événement spécial aujourd'hui, mais oui, on va parler des événements prochains qui vont arriver. Donc, plein d'interviews qui approchent. Mmh. Oui. Qu'on va vous expliquer c'est lesquels. On va vous parler de un samedi et demi. Je sais pas pourquoi je veux dire un jour et demi. Un samedi et demi. Oui, un samedi et demi qui évolue tranquillement. Un événement qu'on aura bientôt. Et puis là, vous parler un peu de la prochaine fête de Radio Arc-en-Ciel également. Tout à fait, on va en parler. Et aussi, j'ai eu des messages de deux personnes qui me demandaient, du coup, l'astrologie, ils ont bien aimé la semaine dernière, mais ils voudraient sur un autre thème. Donc. L'amour, d'accord. Philippa, tu as la mission de trouver un autre thème. Oui, pas de souci. Je vais vous créer un autre horoscope pour vous guider un peu dans ce mois de novembre qui commence. Enfin, quoique ce mois de novembre, quand même, il vient de pleuvoir, hein, parce que ces derniers temps, il faisait soleil quand même pour un mois de novembre. J'ai Mais toujours pas la sorti. La semaine prochaine, il fait beau. On n'a toujours pas sorti les manteaux. Hein. Parle pour toi. Oui, non, mais attends, t'as déjà sorti la doudoune, toi ? Alors, quand je me lève à 5h du matin et dans le bus et dehors, oui. Ah oui, d'accord. Après, je l'abandonne un peu dans la journée. Mais... Oui, parce que là, moi, je garde encore le petit bomber. Voilà, quoi. C'est bien pour moi. Moi, je mets jamais des grosses vestes d'hiver, donc on va dire. Genre, on voit beaucoup qu'ils ont des grosses vestes d'hiver. Oui, c'est vrai, mais on en voit aussi encore un t-shirt. Hein. Alors, ça dépend. Et un short. Alors, ça, par contre, on ne comprendra jamais. Vous êtes courageux, nous, on ne vous comprend pas. Plus team short ou plus team manteau ? Allez, team manteau, je lève les deux mains. Allez, on va commencer en musique. Oui. On va partir un peu au Brésil, un peu Portugal, Brésil. Histoire de bien vous réveiller. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baça do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baça do tubo, o negão começa a gritar.

J'ai écouté Philippe à chanter, c'est horrible. mais non. Ça a ramené un petit peu un brin de soleil dans la radio. Alors, je ne le vois toujours pas. Mais si. C'est juste que, bon, t'as pas encore la perception de la chose, mais je vous promets qu'on est sur une lancée plutôt pas mal. On va dire ça comme ça. En tout cas, on espère que vous dansez dans votre salon ou dans votre cuisine ou peut-être dans votre voiture, parce qu'avec quand même cette chanson emblématique qui est le coup de gros. Qui finit pas, je ne sais toujours pas le faire. Oh, mais si, je sais le faire. Je sais le faire. En fait, je sais juste pas dans quel sens il faut tourner. C'est ça, François. Mais en fait, je sais faire le mouvement le plus compliqué, c'est ça qui est drôle. Mais par contre, je ne sais pas tourner. Ah, c'est quoi le mouvement le plus compliqué pour toi ? En fait, la plupart des gens, ils ne savent pas faire le. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne le voient pas parce que tu mimes. Hein. Oui, c'est pour ça que j'essaye de te montrer pour que tu leur expliques. Le pas de devant, le pas de derrière, le pas de devant. Oui, le pas de truc derrière. Qui s'enchaîne vite, quoi. Les gens n'y arrivent pas. Mais par contre, c'est le premier truc que j'ai appris à faire. Par contre, savoir dans quel sens il faut tourner pour arriver dans la bonne direction. En fait, c'est simple. Tu tournes une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant, et tu pars directement sur le côté du troisième. Ok, mais. Elle a compris. Oui, voilà. Quand on fait son tournée de coup de roue, on fait vers l'avant. Tu retournes vers l'arrière, et là tu retournes vers l'avant, et quand tu vas vers l'avant, en fait tu suis le côté et tu reprends dès le début. Et c'est combien de pas sur le côté ? Parce qu'il y a le tuc-tuc, là c'est je te le mets parce que je une sais fois pas. À droite, une fois à gauche, une fois derrière, et devant. Ok, parce que vous savez, moi à la Saint-Jean, j'ai juste fait à l'aide de mes connaissances, et c'était très bien, mais par contre je tournais du mauvais côté, mais je finissais... Oui, ça s'est vu. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est ok. Écoutez. C'est pour ça qu'on t'avait mis derrière ce jour-là. Non, j'étais devant. Ah voilà. Oh, dommage, du coup. Mais non, en vrai, j'avais géré. C'était la première fois de ma vie que je l'avais autant bien dansé. Enfin, franchement, c'était une fraude hein, ce jour-là. Je préfère vous le dire. Je me trompe toujours de sens. Et Mathis, il me fait, c'est de l'autre côté. Et ma mère qui te prenait par la main pour te faire retourner de l'autre côté. Oui. En fait, là, quand j'ai commencé à apprendre, bon, après, c'était pas vraiment la danse de Kuduro, c'était Madison. Voilà. En fait, sa mère me prenait les mains et en fait, elle me guidait pour savoir à quel moment il fallait que je fasse pas là, ce pas là pour tourner. Et j'avoue que c'était super bien, mais par contre, déjà qu'elle était en talon, en robe longue. Oui. Elle est tournée, elle était finie. Pour ceux qui étaient là, c'était lors du repas où il y avait Capa Negra et la paella. Et du coup, on avait dansé cette danse-là. Et j'avais quand même des talons méga hauts. La faute à Matisse, hein, je préfère le préciser. Bon. Je t'ai dit, est-ce que tu veux cette robe-là ? Tu m'as dit oui. J'ai fait, c'est mieux ce talon-là parce que déjà que la robe est très longue, si tu mets un petit truc, tu vas. C'est simple, oui. Quand tu t'es mis en basket, tu faisais quoi ? Que te prendre la robe dans les pieds. Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même pas eu trop le choix. Hein. C'est lui qui m'a dit, vas-y, mets cette robe-là. T'as pas de robe noire. Oui, c'est vrai. Non, mais on n'empêche, elle était quand même très très belle cette robe. Mais en parlant d'événements, il n'y a pas un événement qui arrive très prochainement. Et oui, et je dirais même très très prochainement demain. Alors, je pensais pas à lui, mais ah, oui. D'accord. Je pourrais rester sur le thème de manger. Oui. On en parlera plus tard de celui-ci. Si d'accord. Tu veux. Écoutez, j'ai vu plus près, au plus proche. C'est demain. Alors, qu'est-ce qui se passe demain ? Alors, demain, du coup, pour ceux et celles qui savent. Qui nous suivent sur les réseaux, sur Phrase oui. Arc-en-Ciel. Et même ceux qui savent tout court. Oui. Parce que c'est quand même un événement qui est populaire à Fleury. Donc, c'est la grande course des Fleurissoises. Et du coup, la radio, on est du coup conviés pour animer cet événement, pouvoir faire du coup une émission radio un dimanche de 9h à 13h pendant qu'il y a la course des Fleurissoises. Et donc Mathis et moi, on sera présents, donc ce sera l'émission avec vous. Et il y aura aussi... Ce sera une émission... Général de la radio, oui, voilà. Pas avec vous, ce sera juste une émission de Radio Arc-en-Ciel qui du coup va se déplacer pour pouvoir animer, présenter, interviewer les gens sur place, oui. Les coureurs, les coachs. Ou même ceux qui sont là, regardent la course, peut-être les exposants aussi, voilà, tout un tas de choses. Voilà, donc ce serait une émission Radio Arc-en-Ciel qui se déplace. Voilà, 100% sport. On avait déjà fait du sport. C'est ça. On avait déjà fait une émission à peu près pareille, si vous vous rappelez bien, en début septembre. Et c'était bah, du coup le forum des associations, donc c'est encore différent cette fois. Cette fois-ci, c'est un événement du coup sportif. Et pas du tout notre cam, du coup. Alors non, ce n'est pas du tout ta cam. C'est qui fait des chorégraphies? Oui, c'est des chorégraphies. Moi, j'ai fait de l'athlétisme aussi. Hein. Alors bah, demain, on te voit courir. Bon, j'ai démissionné, j'ai pris ma retraite, hein, vous savez. Mais par très contre, jeune, mais bon. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait de l'athlétisme. Bah, parlons-nous de l'athlétisme, tu vois, justement. Bah, l'athlétisme, en fait, c'est une spécialité de sport où, en fait, il y a plusieurs spécialités dans l'athlétisme. Souvent, on voit, bah, du coup, par athlétisme, on entend course, mais il y a aussi autre chose. Par exemple, il y a le saut en hauteur. Ou bah, du coup le principe c'est de sauter par-dessus sauter en hauteur finalement. Non mais souvent en fait c'est quand même un grand matelas et en fait il y a une espèce de barre et le but c'est de sauter par-dessus la barre. J'en ai fait et franchement c'est casser la gueule. Alors disons que c'est pour ça qu'elle a arrêté. On va dire que je faisais plus tomber la barre que de sauter par-dessus. Bon, je ne sautais pas très haut, j'avoue, je n'ai pas trop de compétences en saut, mais par contre, j'adorais faire. Donc, même si j'étais pas douée, j'y allais quand même faire du saut en hauteur. Ensuite, il y a une autre spécialité où, du coup, vous la connaissez, elle est quand même super répandue. Voilà, le saut à la perche. Donc, du coup, toujours du saut. Voilà, on reste sur les bases, hein, mais le saut à la perche, donc c'est quand même c'est un sport, enfin c'est une spécialité de l'athlétisme qui est pour moi incroyable, je trouve. Enfin, je trouve ça tellement beau à voir et enfin, franchement ils sont super forts ceux qui sautent à des mètres et des mètres, hein, franchement c'est incroyable. Il y a aussi le lancer de poids, je crois. Oui, le lancer de poids. Il y a. Philippe, je vais te prendre. Mais non, dans tes rêves quand même. Hein, on va éviter, hein. Et ça se fait en fait si vous voulez c'est un espèce de, je sais pas comment expliquer, mais c'est un poids rond et en fait vous tournez sur vous et en fait vous le lancez et du coup bah, c'est celui qui lance le plus loin qui a gagné. Voilà. Et entre autres, hein, j'ai très imagé, voilà. N'attrapez pas ma veste, les athlètes. Bah, s'il y en a qui nous écoutent, qui seront présents demain, oui. Bah, venez appelez-nous. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, on peut faire comme ça. Et après, on a l'autre spécialité. Donc là, on va commencer par les courses. C'est les haies. Donc c'est en fait... toujours sauter. Voilà. Il y a des sprints avec des haies. Donc ça veut dire que bah, le sprint, c'est sur une courte piste, entre autres. Hein. Et bah, du coup, c'est... premier qui arrive, mais meilleure performance et les haies, bah du coup il y a les sauts dans les haies en même temps. Au début j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le saut à la haie et en fait après j'ai développé une phobie et je n'ai plus jamais su ressauter en courant d'une haie parce qu'en fait l'histoire c'est je me suis fracassé la tronche. Mais vraiment, je me suis fracassé la tronche. Je sais pas pourquoi, mais ça me choque pas trop. Comme à Burger King. Non, ne parle pas de cette histoire. Pause. On parlera de cette histoire plus tard. Pause. Et en fait, pour vous raconter un peu le contexte, du coup, bah, je faisais du sprint. Et en fait, on court super vite avec des chaussures exprès, donc des pointes. Et du coup, c'est un peu des crampons, mais sauf que les pointes des crampons, du coup, en fait, ils sont que sur le devant. Et du coup, on n'a pas vraiment de... Attends, je te mime parce que j'ai plus le mot. On n'a pas vraiment de ça là. De semelle. Voilà, on n'a pas vraiment de semelle. On n'en a même pas du tout. Bon, time's up aujourd'hui. Voilà, je cherche mes mots. Et donc, du coup, bah, je courais. Et il faut que je saute par-dessus la haie. Et là, mon pied se coince et je me ramasse mais la figure. Par terre. Tu n'arrives que des choses comme ça à toi. Moi, c'est ce qui m'arrive jamais. Mais oui, non, mais j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, écoutez. Et là, bah, j'ai plus jamais su ressauter une haie parce que... T'as jamais su, du coup. Mais... non, parce qu'avant, j'y arrivais. Mais, voilà. Et après, j'ai fait du sprint tout court, sans haie. J'ai abandonné les haies. Et après, il y a la dernière course donc, qu'on va voir demain, surtout. C'est... je viens de zapper le mot. La course à pied. Oui, il y a un autre mot pour dire. Relais. Non, pas le relais parce qu'il n'y a pas de relais du coup. Mais C'est du... Oh là là, excusez-moi, je retrouverai mes mots et je Je pense que ce serait mieux demain, du coup. Mais du coup, demain, on pourra interviewer les gens qui font de l'athlétisme et du coup, pour en dire plus sur tous les sports, je pense, en fait, en général. Du coup, soyez présents demain, donc de... 9h à 13h. De 9h à 13h. Non, de 10h à 13h, on prend l'antenne. Nous, on est à 9h, mais on commence à 10h. Mais l'événement, il commence à 9h. Oui, mais du coup, le temps que nous, on s'installe... Oui. Donc on sera présent, on va faire un petit vlog aussi. Oui. Donc sur la chaîne avec vous, donc sur Facebook Radio Arc-en-Ciel, mais aussi sur du coup nos Instagram avec nous, donc avec -vous -radio. Vous pourrez retrouver le vlog de ce dimanche matin. Oui, donc n'hésitez pas. Et j'espère qu'il sera ensoleillé. Ah bah oui, j'espère que quand même pour les coureurs, même si je sais que les coureurs courent même sous la pluie, c'est quand même mieux d'avoir un petit brin de soleil que de la flotte. Voilà. Donc Mais du coup, si vous êtes là, vous voulez découvrir un sport ou venir nous voir, bah nous on sera présents. Voilà, donc vous pouvez venir à notre stand éphémère et pour discuter. Et écouter de la bonne musique. Et oui, surtout. usamos el rostro y a tirar para encima la voz. No vamos a dejar que acaben con nuestro eterno amor. Hasta el día en que los nuestros ojos se cruzaron, yo duvidé. Y ahora yo puedo hablar. Faz das no meu peito o tempo para nesse instante não quadra. Centrado as nuvens aos teus pés, o teu sorriso lindo. Eu vejo o infinito, meu amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero Mas teu amor, adoro o sabor dos teus beijos.

Et sur la prochaine musique, nous avons une dédicace de la part de Maria pour ses 6 petits enfants qu'elle aime et qu'elle chérit tendre. Donc elle leur fait des gros gros bisous. Elle les aime et nous aussi on les aime pour le bah, c'est ma mamie du coup. Donc de gros gros bisous et pour ça on va écouter une musique qu'on aime bien avec mamie, Amor de Chocolat. mas não. Há patos, galos e vacas, até um gato e um cão. No outro dia fiquei tão espantado, reparei que a vaca e o galo se tinham apaixonado. Acasalaram e nem queiram saber, nasceu um galo com cornos, como pôde isto ser? Na minha terra todos me têm gozado, e de vaca galo todos me têm chamado. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali, podem crer que já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali, ai podem crer, se não se calam vão vá. É que eu fico furioso, pá. É vaca galo pra aqui, ai vaca galo pra ali, podem crer que já estou a afinar. É vaca galo pra aqui, ai vaca galo pra ali, ai podem crer, se não se calam vão levar. Já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali, ai podem crer, se não se calam vão levar. Pour un instant prévention, parce que comme vous le savez, on arrive dans le mois de, enfin, on est dans le mois de novembre, et pour chaque mois il y a une prévention pour un cancer. Et là on va parler du coup en prévention du cancer de la prostate, qui est du coup le premier cancer le plus fréquent chez l'homme, et qui est quand même la troisième cause de décès par cancer chez l'homme. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a quand même un dépistage qui est organisé à 50 ans. Et c'est vraiment important de le faire, parce que ça permet de dépister précocement le cancer. Et du coup, faire chaque année ce dépistage permet de vous sécuriser, parce que quand on découvre un cancer, malheureusement, eh ben en fait, quand c'est un cancer précoce, on peut en guérir plus facilement. Donc c'est vrai que le dépistage, ça aide vraiment. Donc à ne pas négliger. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est de la prévention. Et donc voilà, en tout cas, si vous avez certains signes comme les troubles urinaires, les douleurs osseuses, les hématuries, donc c'est la présence de sang dans les urines, consultez. Et en tout cas, faites-vous dépister pour les plus âgés. Bah merci Madame Lefargue. Oui, j'étais obligée de faire un petit moment prévention en ce mois de novembre, parce que c'est quand même un cancer qui est prévalent chez vous les hommes. Et c'est important d'en parler, comme le cancer du sein, qui est du coup un cancer qui... C'est le cancer le plus fréquent chez la femme et aussi le plus mortel. Ça représente 11% de la population. Donc ça veut dire que 11 femmes sur 100 sont touchées par le cancer et du sein. Donc vous pouvez faire le compte, c'est énorme. Et c'est vrai que le dépistage aide énormément. Je dis pas que ça soigne, malheureusement, mais en tout cas ça peut aider à guérir plus précocement la maladie. Et courage à tous ceux qui l'ont vécu et qui le vivent, et aussi à leurs proches, c'est important. Oui. Et voilà. Parce qu'il y a pas que, il y a les personnes qui l'ont, du coup, qui sont le plus comment dire, comment, le plus touché, voilà, ceux, oui, qui l'ont, c'est ceux qui l'ont sont le plus touchés, mais il y a aussi du coup toutes les la famille, oui, les proches, c'est aussi dur pour le patient que pour les proches, et souvent on a tendance à l'oublier, mais en fait les proches, vu qu'ils sont acteurs, ils le voient, et ben ils ont pas la même perception que ceux qui le vivent, malheureusement. Et c'est vrai que c'est important, même vous proches, de pas minimiser votre peine, et il y a beaucoup de moyens à ce jour d'en parler. Donc si vous vous sentez pas bien, il y a plein de numéros, il y a même à l'hôpital des psychologues, ou même un tas de moyens qui est mis en place pour aussi vous soulager, les aidants, parce que vous faites partie du soin à part entière, et c'est et vous êtes vous êtes soignant curatif pour la personne qui a cette maladie. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc à partir de ça, on va passer sur un sujet un petit peu plus gai, l'horoscope. Je vois Mathis qui m'a fait rigoler. On va mettre un peu de musique et après on revient sur l'horoscope. Oui. Parce que là, on va parler de... Pardon ? On va parler de l'horoscope de... Ah, donc des chansons. En fait, je vous explique après. Mais en fait, c'est pour... en fait, si vous voulez, on a 5 étoiles. Et en fait, en fonction de votre signe astrologique, eh ben, vous pouvez évaluer votre chance sur ces étoiles. Donc par exemple, l'agent peut se manifester par une occasion de travail ou par autre chose. En fait, c'est vraiment votre moi, votre chance ou pas, et vos astuces pour saisir cette chance. Bon, j'espère, voilà, que j'aurai de la chance. Hein. Bah, j'espère aussi, sachant qu'on est le même signe. Donc, On va foirer. Mais non, mais non. Ayer te vieron enredado con una domi.

yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. She gon' make you move to Miami. She move it like a gypsy. Got me tipsy. I should take a step back, fall back. This girl got me feeling risky. She ready for the take, and I got the motivation. Cause when you do your dances, the chance you might not come home from vacation. And if you look, you'll fall in love. She got that ass, she make it click. She leave you shook, and now you're hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Oh yeah. She gon' make you move to Miami. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we gon' party. Freaking every weekend, baby, we just getting started. Síguete moviendo. Todo te están viendo. Damn, you got me, girl. That body's built like a Bugatti. And if you look, you fall in love. She got that ass, she make it clear. She leave you shook, and now you're hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Happy. She said no hands, booty still clapping. She wanna be Eve, baby, here's an apple. Welcome to the booty shaking capital. M.I.A. Where the mummies on the chain, where the mummies get loose, where the mummies don't play, where their bodies like boom, where their booties like bang. Y'all do sorry, man. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Miami. Então vou ser livre na vida com revient donc pour l'horoscope, donc pour vous réexpliquer. Donc en fait, c'est un horoscope sur les chances, la chance que vous allez avoir dans ce mois et par exemple quel type de chance et les astuces pour pouvoir saisir ces chances dans ce mois. On va commencer avec lequel signe astrologique. Est-ce qu'on part de la fin? Parce que oui. La fin, on va commencer par le début. Oui, on part de la fin. On va partir du coup par les poissons. Ah, c'est pas la fin. Si, si, c'est la fin. Ah non, poisson. Poisson, c'est la fin de la liste, mais c'est pas la fin des signes astrologiques. Ah oui, je crois que je l'ai pas fait dans l'ordre, oui. Ah bah voilà. Hein. Bon, on commence par la fin de ma liste. Ok, bah poisson. Je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Vous avez une chance de 5 étoiles déjà. 5 sur 5, du coup. 5 sur 5. Alors déjà, j'aimerais bien expliquer aussi pour ceux qui ne connaissent pas forcément le signe astrologique. Donc c'est de 19 février jusqu'au 20 mars pour les poissons. Une intuition exceptionnelle guide vos choix. Des synchronicités. Des synchronicités marquent le mois. Écoutez les signes. Astuces. Restez confiant, même si tout semble flou au départ. Voilà, donc ayez confiance en vous, les poissons. Pour le Verseau, donc c'est du 20 janvier au 18 février. Je pense à mon frère, hein, c'est pour toi ça. Donc la chance, du coup, c'est 4 sur 5. De belles opportunités sociales et créatives, l'univers vous pousse à oser de nouvelles expériences. Astuce, n'ayez pas peur de sortir du cadre habituel. Faut sortir de sa zone de confort, les Verseaux. On continue avec les Capricornes. Vous avez une chance de 3 sur 5. Donc c'est du 22 décembre au 19 janvier les Capricornes. Vous récoltez les fruits d'un travail constant. Pas de hasard ici, la chance vous sourit parce que vous l'avez mérité. Oula. Bon, en vrai, c'est plutôt pas mal déjà. Et donc une astuce pour suivre cette chance, une rencontre professionnelle pourra changer la donne. Et oui, ça promet. Sagittaire, donc c'est du 22 novembre au 21 décembre. Il y a quelqu'un à côté qui est né par là d'ailleurs. Donc la chance, elle est estimée à 4 sur 5 pour ce mois. Donc le mois débute calmement mais s'intensifie. Une surprise de fin de mois pourrait marquer un tournant. Astuce, gardez l'esprit ouvert, surtout face à l'inattendu. C'est peut-être pas mal. Elle est contente à côté. Oui. Pour les scorpions, donc du 23 octobre jusqu'au 21 novembre, donc en plein dedans, la chance est donc 5 sur 5. C'est votre mois, renouveau magnétisme, et succès. Tout ce que vous touchez peut se transformer positivement. Restez humble pour mieux recevoir. Ça, c'est la petite astuce. Eh bien, ça promet pour ce mois, vous avez de la chance. Pour les lions. Oui, j'ai peur aussi. Viens, on le fait à la fin pour les lions. Vas-y. Donc, les gens qui sont lions, ils vont nous détester. Ils vont dire, ah, à la fin. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que nous, on a peur. Donc, balance. Donc, c'est du 23 septembre au 22 octobre. Donc, la chance, elle est estimée à 4 sur 5. Donc, votre charme naturel attire les bonnes personnes au bon moment. Novembre favorise les associations et les nouveaux départs. Alors, l'astuce, dites oui à ce qui vous enthousiasme, mais même si cela vous sort de votre zone de confort. Plutôt pas mal. Hein. Oui. Pour les Vierges, donc du 23 août au 22 septembre, une chance de 3 sur 5. La chance se manifeste par des rencontres enrichissantes. Une ouverture de carrière ou une évolution financière se profile. Astuce, lâchez un peu le contrôle. La vie est un bon plan pour vous. Pour ceux que je connais, faut bien respecter ça. Oui. Pas les lions. Oui, on s'appelait lions. On le fait à la fin. Désolé. Alors, le cancer, donc c'est du 21 juin. Au 22 juillet, donc il y a une chance de 3 sur 5. Donc le mois favorise les remises en question positives. Vous tournez une page pour avancer vers une période plus sereine. Donc l'astuce est un petit risque calculé pour payer gros. Pour les Gémeaux, du 21 mai au 20 juin. Donc là j'en connais un, mon père, ma belle-mère. Ah oui, on en connaît plein des Gémeaux. Il y en a plein des Gémeaux. Une énergie, donc une chance de 5 sur 4. Une énergie nouvelle stimule votre ambition. De bonnes nouvelles liées à un contrat ou une opportunité d'apprentissage. Astuce, ne disparaissez pas votre énergie canalisée là sur un seul objectif. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, les Gémeaux. Pour les Taureaux, donc c'est du 20 avril au 20 mai. Donc il y a une chance sur 3 sur 5. Donc les relations prennent le devant de la scène. Une rencontre clé pourrait ouvrir une porte importante, autant sur le plan amoureux que professionnel. L'astuce, faites confiance à votre intuition. Elle sera votre meilleur guide. Pour les béliers, du 21 mars au 19 avril, la chance, donc, c'est 4 sur 5. Novembre vous offre des occasions inattendues, surtout sur le plan professionnel. Des projets mis en pause redémarrent. Côté financier, un gain ou une aide arrive au bon moment. Oh. Donc, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Astuce, foncez, mais gardez un œil sur les détails. Ok, bah, eux, ils ont de la chance, hein, l'argent. Bon, bah écoute, on va voir ce qu'il en est de nous. Pour donc, les lions. Les lions, donc ce jeu, on répète, c'est du 23 juillet au 22 août. Les meilleurs, finalement. si, les meilleurs. Oui, les meilleurs. Il y a on dit non à côté, mais ça s'appelle pas avoir de chance de ne pas être né. C'est pas du tout notre côté narcissique. Hein, pas du tout. C'est juste les plus beaux. Et les meilleurs. Enfin bon, après avoir inauguré Lyon, donc ils ont une chance sur 4 sur 5. Donc un vent de réussite souffle sur vos projets. Waouh, les efforts. Elle a dit waouh, elle n'a même pas fini. Oui. Les efforts récents commencent à porter leurs fruits. Astuce, ne laissez pas la fierté freiner vos collaborations. Je vais avoir mon permis. Eh bien, franchement, si un vent de réussite souffle sur vos projets, franchement, je prie pour que mes partiels disent « Ouais, Philippa, t'as réussi, c'est trop bien, voilà. » Je reviens dans le top de ma classe. En vrai, je suis top 4. Oh, bah c'est bien, top 4. Je passe de 2 à 4 pour un 0, qui n'est pas mérité au passage. Ouais. Oh, bah, c'était quoi cette note? Bah, juste, elle n'a pas vérifié mon travail, et du coup, elle m'a dit mis 0 alors que j'avais fait. Oh. Du coup, ça me plombe ma moyenne, je devrais être à 14, je suis à 12. Bon, ça va encore. 2 points, c'est quand même beaucoup. Oui, hein. C'est beaucoup, mais ça va, t'es pas en dessous de la moyenne. Bah, tu imagines que je pourrais être le deuxième? Attends, vous avez qu'une moyenne de 14 là? C'est quoi la moyenne, la meilleure moyenne de la classe? Elle est de 14,59. Et du coup, là, si j'aurais pas mon 0, je serais à 14,38. C'est pas énorme quand même, 14,59 de moyenne générale dans une classe. Vous êtes combien? On est 15. C'est pas énorme en vrai. Enfin, là, alors, à savoir que du coup, on a beaucoup, beaucoup de notes de partout. Mmh. On en a, on parle des études, maintenant on en a par la chance. Mmh. On en a en anglais, on en a en espagnol, on en a en culture générale. Donc là, c'est tout ce qui va être cinéma et tout. Au français et moi, ça fait 0. Mmh. Et déjà, l'anglais, ça fait, j'ai une moyenne de 8, donc ça me plombe ma moyenne. Bah ouais, l'anglais. Après, on a la négociation vente, donc ça, c'est très bien, j'ai 17. Mmh. Pour la digitalisation, donc une autre note. Et pour l'animation de réseau. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est pas des réseaux sociaux, comme tu penses. D'accord, c'est les réseaux, totalement différent. C'est les animations de réseau, de distribution, de partenariat. Ah, de... oui, ok. En fait, c'est plein de choses. C'est pour ça que je suis à la radio. Que je suis connu aussi un peu. On a quoi d'autre? On a économie, on a droit, on a marketing, on a management, donc 4 différentes. Mmh. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et on a des ateliers pro. Ah si, on a PrestaShop, on a WordPress. Et ça, c'est des notes du coup. Qui comptent. C'est une, du coup, vous avez toutes ces matières-là. Qui comptent pour les épreuves, ouais. Ok. Eh bien, moi, si on pouvait parler de moi. Hein, bah vas-y. Pareil, donc du coup, pour recontextualiser, tu es en études. NDRC, donc c'est négociation de la digitalisation de la relation client. En gros, c'est pour travailler dans le commerce et l'événementiel. D'accord. Et moi, bah, du coup, c'est des études d'infirmier, donc je suis en troisième année. Et donc, pour cette troisième année, on a du coup la D9. La D9, c'est... Alors déjà, ils ont des chiffres avec des lettres. Alors déjà... Ça s'appelle des unités d'enseignement. Et en fait, c'est parce que sinon, c'est des longs à rallonge. Et c'est les processus tumoraux, donc c'est tous les cancers. Les chimiothérapies, tout ça. On a la 6-2 où c'est des travaux de groupe où on doit choisir des. Enfin, les 6-2, c'est de l'anglais en fait. En fait, on fait de l'anglais aussi. Et... oui, c'est pas grave. No way. T'as combien de moyenne du coup? Bah, en fait, je triche un petit peu. Désolée les profs, mais je triche un petit peu parce que en fait, l'anglais, on a de la chance, c'est une application et on doit faire un nombre d'heures et faire des quiz et à la fin du semestre, on a une évaluation et en fait, moi j'ai assumé hein, ma prof pédago, j'ai dit en fait je pourrais ne pas avoir mon diplôme d'infirmière juste parce que je suis nulle en anglais. Donc en fait, je triche. Mais je lui ai dit, hein, parce que en fait, sinon, c'est pas possible. Oui, donc moi, je ne triche pas, donc j'ai 8 de moyenne, c'est normal. Mais moi, j'ai 20 et je triche, donc c'est pas... Mais je l'ai dit, tu vois. Genre, et en moyenne générale, t'as combien? En moyenne générale, du coup, l'année dernière, parce que là, on n'a pas encore eu, j'avais 16. Oui, donc si on compte l'anglais, elle a 12. Non, parce que j'ai 20 en anglais. Oui, bah, si on t'enlève l'anglais. Ah non, j'ai pas. Oui, bon, ça... Tu l'aurais pas. Mmh. Je sais pas donc, quelle note ça, j'aurais. Il faut travailler avec fierté comme nous. Et se planter. Bah non, parce que nous, du coup, en fait, on peut ne pas être infirmier juste pour de l'anglais. Tu vois. J'avoue. Donc en fait, est-ce qu'il vous dit une moyenne de combien? Ben en fait, si t'as pas 10, tu redoubles. Oh bah ça va, t'es à 16 moins 6 points, tu vas les perdre. Non, non, c'est la note. En fait, tu vois, genre t'as une évaluation, c'est sur 20, et genre si t'as moins de 10, t'as un rattrapage, et si tu loupes ton rattrapage, tu redoubles. Triche. Voilà. Bah voilà. Donc c'est moi c'est ce que j'ai dit. Après elle m'a dit bon et en fait c'est pas très grave de se faire aider. Et j'ai dit bah oui voilà je me fais aider. Et sur l'épreuve tu fais comment? Et bah en fait l'épreuve c'est comme je t'ai dit c'est à distance. Bon bah ça. Et donc voilà c'est pour ça. Donc, tu as quoi d'autre comme épreuve? Après j'ai la 3.3 donc c'est en fait on doit faire un gros dossier sur notre projet professionnel. La 4.4 c'est du coup de une pose d'aiguille de Uber donc en fait ça sert à oh purée il m'a fait rire. Oh là là en plus c'est pas drôle. Celle était bonne celle-ci. Ouais Uber tout court. Il m'a fait trop rire. Oh là là j'ai du mal à en remettre. En plus tu vas pas rire quand je vais te dire ce que c'est hein. La pose d'aiguille de Uber c'est que vous voyez quand bah pour ceux qui savent en fait pour installer une chimiothérapie et ben en fait ils ont ce qu'on appelle un pack un dispositif sous la peau et en fait on pique le pack pour faire passer la chimiothérapie. C'est beaucoup moins drôle. Voilà. Mais c'était marrant le jeu de mots, mais voilà. C'est beaucoup moins drôle. Donc voilà, on a un exercice, enfin, on doit savoir faire ça, et c'est un acte qui est très, très, très, très, très stérile, et c'est dur à faire. Bon, voilà. On a la 2-11, donc toute la pharmacologie, donc les médicaments. En fait, elle a toutes les 2, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, voilà, voilà. Pharmacologie, donc c'est tous les médicaments, je vous laisse deviner. La 4.2, c'est les soins relationnels, donc voilà, on va analyser un soin relationnel. La 2-6, c'est la psychiatrie. Donc, du coup, je dois apprendre toutes les pathologies psychiatriques. Et pour finir, la 5-5, où en fait, ça mobilise tout ce que tu as appris pendant tes 3 ans. Donc, voilà, en gros, toutes les matières que j'ai en semestre. Et voilà, que j'ai pas le droit à l'erreur, parce que sinon, je ne passe pas et je n'ai pas de diplôme. Donc, en final, Mathis et moi, donc... On est foutus. Non, parce que regarde notre horoscope. Il dit un petit vent de réussite. Pourquoi pas? On doit saisir... Ça peut être dans le sport, autre chose. Ah ouais, c'est vrai. Ça peut être à la radio, ça peut être... c'est vrai. J'ai pas dans le permis, moi, ça m'arrangerait plus. Bah oui, mais il faudrait déjà que tu te lances. Hein. Ha, ha, ha, je me lance. Non, non, il s'est toujours pas lancé. Vous savez, je vais reprendre une discussion. Alors, on va écouter de la musique. Attendez, attendez. Pour reconstitutionnaliser, l'année dernière, quand je suis arrivée, il a dit oui en janvier, à l'antenne. Il a dit oui en janvier, je passe le code. En février, je l'ai et je commence la conduite. Du coup, on est un an jour pour jour. En novembre, donc, Mister Matisse, tu n'as toujours pas commencé le code. Si. Tu ne l'as pas fait. Ah, si. Tu ne l'as pas passé. Je ne l'ai pas passé. Alors, voilà. Je l'ai raté. Alors, tu devais le passer. Je ne l'ai pas raté, c'est que j'ai raté la date deux fois. Parce qu'on m'avait dit une date, et en fin de compte, c'était une autre date. Enfin, ça, c'est le problème de... Il faut bien choisir son auto-école, je vous le dis. Mmh. On me perturbe à côté. Oui, moi, bah oui, on le voit. On l'entend. Oui, enfin, oui, c'est vrai qu'on l'entend, parce que moi, je la vois, mais... Toi ah oui, bah, oui, du coup, elle va perturber. Enfin bon. Enfin bon, on continue en musique dans mon Kikeka. N'hésitez pas aussi aux jeunes qui nous écoutent de nous parler de nos études. Oui, on fera une important. Émission un jour avec Philippe. On s'était déjà dit de faire une journée où on rencontre plusieurs étudiants de plusieurs, donc de STAPS, pour ceux qui ne connaissent pas. J'en avais qui voulaient parler de ça. J'en avais dans du commerce aussi. Toujours des jobs et tout. En fait, on a une émission qu'on va commencer à. On a commencé à organiser. Pour parler des études et de plein de choses, en même des profs. Du coup, il y a ma prof qui voudrait faire une émission pour parler de NDRC. Oui. Donc, en soi, pourquoi pas la tienne aussi, une de tes profs. Ce serait hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas, on va faire peut-être un sondage dans la semaine. Parce que c'est vrai que de plus en plus de jeunes ont du mal à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce qu'on nous demande de choisir de plus en plus tôt. Donc, avoir une émission où on permet aux jeunes d'avoir une idée. De ce qu'ils veulent faire plus tard, donc en présentant des études, c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc même aller à des forums, tout ça, c'est bien. Tout à fait. Et Du coup, j'espère que cette émission pourra servir aux gens. Et on pourra vous inviter aussi à vous, si vous peut-être rencontrez les profs ou pas. Oui, ah bon, on pourra faire réfléchir. Ça. On va organiser tout ça. On continue en musique ? Oui.

avons une dédicace que je vais laisser Philippa du coup faire la dédicace. Du coup, c'est hier, c'était l'anniversaire de ma belle-sœur. Du coup, bah avec ma mère, on lui souhaite un joyeux anniversaire, même si on lui a dit hier, parce qu'aujourd'hui on va le fêter avec la famille. Donc voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire encore et on la laisse avec cette musique. Nos amamos, nós temos que nos casar. Vamos ao Senhor Padre para nos abençoar. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos estamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa. Todos vão adorar. Ai, vai ser uma semana com Portugal a bailar. Quando eu me casar, vai durar uma semana. A nossa festa cigana, a nossa festa cigana. Quando eu me casar, vou contigo para a Havana. Eu serei a tua dama quando subir ao altar. Portugal vai nos amamos, eu quero que sejas meu. Vamos ao Senhor Padre pedir a bênção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa. Todos vão adorar. Ai, vai ser uma semana com Portugal a bailar. Quando eu me casar, vai durar uma semana. A nossa festa cigana, a nossa festa cigana. Quando eu me casar, vou contigo para a Havana. E eu serei a tua dama quando subir ao altar. Portugal vai de esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, agora tá fácil falar que me ama. Depois de testar meia dúzia de cama. Dúzia de cama. Que Não queria me apegar, nem me envolver em mais um lance. Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais, um love que não fura a pele. Sei que marca sem marcar, e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo. Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora, eu quis ficar. Essa tua boca fez delícia, teu beijo revirou a minha vida. Desde que eu te encontrei, amei, fiquei agora só da você. Essa tua boca fez delícia, você vira mesmo a minha vida. Desde que eu te encontrei, amei, fiquei agora só da você. Gostando de você. Minha vida na cama, na dor, no prazer. Meu corpo te chama, não quer mais ninguém. Agora só da você. Em casa, na rua, na guerra e na paz. Procura por ser ninguém mais. Agora só dá você. Philippe a chanté un peu. On a dansé aussi, hein. On s'est un peu amusé hein, sur les studios. De Radio Arc-en-Ciel. Il faudra venir demain pour danser avec nous. Oui. Tu veux danser avec Philippe à 2 euros la partie. Ça va pas. Non, en vrai, gratuit, parce que Philippe a quoi. Et, c'est pas Shakira. Ah bah si, carrément, je suis Shakira. Shakira de chez Wish. Mais non, ok, d'accord. J'ai peut-être pas le meilleur déhanché de Shakira. Je dirais pas le contraire. Je dirais pas oui, je dirais pas non. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Je te retiens, Mathis. On revient pour vous parler d'un petit événement qui arrive dans pas très très longtemps que ça. Pas très longtemps, plutôt fin du mois. Et c'est la date du 29 novembre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe le 29 novembre? Donc le 29 novembre, c'est un repas dansant que Radio Arc-en-Ciel du coup organise. Donc il y aura du coup un menu. Donc l'entrée, c'est une assiette océane. En plat chaud. C'est au cozida português. En dessert. Le trio de fromage, elle dit en portugais. Le trio de fromage et le dessert glacé, excusez-moi. Et avec le café et le thé, et avec quoi, Philippa? Ah non, on va pas en reparler, avec un cheirinho. Mais qu'est-ce que c'est le cheirinho? C'est un petit peu d'eau de vie à la fin du café. Alors la semaine dernière, pour ce que non, non, non. Elle a dit comme quoi c'était le fait de quoi déjà? Non, en fait, c'est que vous allez comprendre les portugais. En fait, j'ai mal entendu, parce que vous voyez, avec l'accent de Mathis, c'est un peu compliqué. Et j'ai compris cheirinho. Et quand on dit un café cheirinho, c'est un café bien rempli. Voilà. Mais du coup, non, c'était pas ça. Merci au monsieur qui nous a appelé. Oui, c'est vrai. Merci. En tout cas, lui, il avait compris. Oui, mais c'est que, ouais. Ah. C'est qu'il a lu l'affiche, c'est pour ça. Peut-être. Voilà. Donc, c'est le samedi 29 novembre 2025 à 19h30. Place limitée, donc à réserver avant le 21 novembre. Donc, du coup, réservez votre samedi, votre table et pour passer un repas dansant. On a expliqué le repas, mais il y a aussi, du coup, un chanteur qui vient qui s'appelle Adriano Pereira. Et donc il viendra ce samedi pour ambiancer la soirée. Vous serez le feu à la salle. Voilà. Et ça se passe où? Et ça se passe du coup à l'espace de Radio Arc-en-Ciel, donc au 266 Faubourg Bagny à Fleury-les-Aubrais. Et pour acheter du coup vos billets, il faut aller où? Il faut aller soit Radio Arc-en-Ciel, soit donc vous pouvez nous contacter par l'adresse mail arc-en-ciel.iota@gmail.com ou au numéro dans la semaine pour appeler le secrétariat, donc au 02 38 43 50 09. Et un week-end, vous pouvez nous appeler au 06 79 08 42 05. Place limitée, donc juste avant le 21 novembre. Pour les adhérents, c'est 25 euros. Pour les non-adhérents, c'est 30 euros. Et pour les enfants de moins de 10 ans. C'est 10 euros. C'est pour ça. Et oui, c'est on avait la liaison, les dyslexiques. Du coup, les points de vente, donc, comme on disait, il y a la radio Arc-en-Ciel, mais pas que. Les établissements Mariano. Voilà, et le panier du monde. Donc vous pouvez aussi aller acheter vos billets là-bas, il n'y a aucun souci. Donc on espère vous retrouver nombreux pour cette soirée. Une soirée à noter, le 29 novembre. À 19h30. Papai vai fazer, mamãe vai fazer. nem quero saber. Quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pega mesmo. Sem essa de rola, receio. Se quiser pegar, pega mesmo. Sem essa de rola, receio. E se meu ex chamar, eu bloqueio. Se ele me... Et nous avons une dédicace à la fin. Après, on a une autre qu'on dira quand on a un au revoir. Mais une dédicace de la part de Nono pour ses parents, qui les aiment très fort. Ils étaient au sport et donc il leur fait des gros gros bisous. Ils les aiment très très fort. Quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. Se quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. Se ele me ligar, eu rejeito. O quê? Solteira, eu me peito. Sem chifre, eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Sem chifre eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Vocês! Ei, alegria, é solteira e ter qualidade de vida. Alegria, é solteira e ter qualidade de vida. Ex, ex, passado é passado. E quem não gostou, vai pra casa do mundo. Ex, ex, passado é passado. E quem não gostou, vai pra casa. Voilà, on a entendu Mathis chanter. Oh, juste un, oh. On va éviter, hein, parce que sinon il va repleuvoir. Bah, là, il fait beau là. Pas s'il pleut dehors, mais. Mais en tout cas, s'il pleut, c'est de ta faute là. Hein. On le saura. Mais bon, du coup, cette musique-là signifie quoi? Signifie que c'est la fin de notre émission. Et oui, mais on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain, donc on se retrouve pas la semaine prochaine, mais on se retrouve demain à partir de 10h jusqu'à 13h pour une émission 100% sport. Voilà, une émission sport avec Radio Arc-en-Ciel qui se déplace. Oui, pour son studio éphémère ou pour les fleuristes. Les fleurissoises, pardon. Elle est fatiguée, dormir. Oui, donc les fleurissoises de la course. Oh, punaise, j'ai dit à l'envers, mais c'est pas grave. En tout cas, de la course fleurissoise, voilà, je me répète. Donc retrouvez-nous demain en pleine forme, on va courir nous aussi. Oui, oui, on va éviter de courir, on va. Non, j'ai dit, on va courir. On va éviter, hein, parce que sinon, on va nous perdre, hein, Mathis, on va nous perdre. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin et on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain et on vous dit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. sócios a entrar, alguns são mais conhecidos, outros nem tanto. Conhecidos o caso de Manuel Damásio, antigo presidente do Benfica. Ele resolveu aqui à entrada dar o apoio a um dos candidatos, mesmo, diz, não sendo muito ético, mas também